Chapitre 6e. Jean de Santenauge tint sa parole. Quelques jours plus tard, le petit pâtureau qui lui servait de page fut aperçu rôdant autour du logis de M. Février. Lorsque Marianne traversa la promenade pour se rendre chez son grand-oncle, le pâtureau se leva de dessous un tilleul au pied duquel il était assis, tendit à la jeune fille un petit bouquet auquel était épinglée une lettre et s'enfuit à toutes jambes. La lettre contenait les adieux du don Juan de Virloux. En quelques lignes, Santenauge informait Marianne qu'il avait écrit à un vieil ami de son père, maître de forge dans le Morvan, et qu'il avait proposé ses services comme garde-vente ou surveillant de coupe de bois, seule profession que ses connaissances forestières le mettaient à même de remplir. Par le retour du courrier, ses propositions avaient été acceptées et il devait partir le soir même. Il était décidé à tenter cette chance de régénération et ne voulait rentrer au pays que lorsqu'il aurait conquis par son travail le droit d'offrir sa main et son nom à Mademoiselle Février. « La petite bague, disait-il en terminant, ne me quittera pas plus que votre pensée, et tous deux me donneront du courage. Puissiez-vous ne pas perdre patience en m'attendant. Faites connaître ma résolution à M. Brocard et acceptez en souvenir de moi ces fleurettes qui ont poussé autour de Virloux et que j'ai cueillies ce matin dans la rosée. » Le bouquet était composé de ces belles plantes qui abondent à la fin de l'été au fond des gorges fraîches de la montagne langroise et qui transforment les prés forestiers en un véritable jardin. C'étaient des reines des prés à odeur d'amande, des gentianes aux magnifiques boutons d'un bleu foncé, des parnassies dont les pétales blancs semblent découpés dans de l'ivoire. Marianne serra tendrement ce petit bouquet encore tout imprégné de l'odeur des bois de Maigrefontaine. Quand il fut fané, elle le joignit à la rose desséchée, cueillie jadis dans le sentier du Châtelot, lors de sa première rencontre avec Jean de Santenauge, puis elle enferma les corolles jaunies dans un sachet de soie qu'elle suspendit à son cou comme un reliquaire. Les fleurs de Virloux reposèrent sur sa poitrine et elle ne s'en sépara plus. Un mois se passa, puis deux, sans nouvelles de Santenauge. L'arrière-saison était venue avec ses journées pluvieuses et ses longues soirées. Marianne vivait fort isolée, ne sortant du logis que pour aller à l'église ou à l'abbatiale, chez son grand-oncle, le seul confident de son amour et le seul ami avec qui elle put causer de Jean de Santenauge. Mais vers le mois de novembre, un incident qu'elle n'avait pas prévu, bien qu'il fût fort naturel, vint troubler profondément sa solitude paisible et la sérénité de son attente. Tant que la fleur sauvage, perdue au fond des bois, n'a pas encore ouvert ses boutons, la forêt tout entière semble ignorer son existence. Mais dès que les premières pétales se sont épanouies, en un instant on sait la nouvelle aux quatre coins du bois, et voici que les abeilles, les essaims de petits papillons bleus, les libellules en robe de gaze s'empressent et bourdonnent alentour. De même, quand une jeune fille est passée de l'adolescence à la jeunesse, sa demeure fut-elle enfuie au fond d'un village solitaire, les amoureux en ont vite trouvé le chemin, et on les voit soudain déboucher de tous les carrefours. L'hiver est par excellence la saison des mariages. Un dimanche matin, M. Février présenta sa fille à un jeune homme à la figure honnête mais insignifiante, à la tenue correcte mais vulgaire, et annonça qu'il resterait à déjeuner. Le repas auquel, par extraordinaire, le docteur Brocard avait été convié eut des allures solennelles qui commencèrent à inquiéter Marianne. Le nouvel hôte fut placé auprès d'elle et se montra fort complimenteur. C'était un jeune percepteur des environs, qui parlait beaucoup de son métier et comptait par le menu les histoires de son village. Quand vers la fin de l'après-midi il reprit le chemin de sa perception, M. Février retint M. Brocard et, s'adressant à sa fille qui étouffait un bâillement, « Un aimable garçon et un bon sujet, » dit-il en assujettissant ses lunettes. « Comment le trouves-tu, Marion ?»« Mais ni bien ni mal, » répondit-elle. « Enfin, il ne te déplaît pas. Il m'est indifférent. » « Ah !» reprit le receveur vexé. « Eh bien, tu ne lui es pas indifférent, toi, et il m'a demandé ta main. » Marianne était devenue pourpre et le saisissement la rendait muette. « Comment ?» poursuivit son père impatienté. « Voilà tout ce que tu réponds. »« Je n'ai rien à répondre, » répliqua Marianne, qui avait repris sa respiration, « sinon que je le remercie. »« Tu acceptes ?»« Non, je refuse, mon père. »« Et pourquoi, s'il vous plaît ?»« Parce que je ne suis pas pressé de me marier. » « A-t-on vu jamais pareil lubie ?» s'exclama M. Février irrité. « Je vous en fais juge, oncle Brocard. Un parti excellent, bonne famille, bel avenir avec de gros biens au soleil. Il n'y a pas une fille du canton et des plus huppées qui ne serait enchantée de l'épouser, et cette petite sotte le refuse. Voyons, qu'en dites-vous ? Je dis, répondit M. Brocard, d'un ton posé, que Marianne a parfaitement raison. Elle est jeune, elle a le temps et le droit de choisir, et il ne doit épouser qu'un homme qu'elle aimera. Ah, voilà de vos phrases de roman ! S'écria le receveur, furieux d'être seul de son parti. Je suis bien fou de vous écouter. Pourquoi me consulter alors ? Parce que j'espérais que vous donneriez un bon conseil à cette demoiselle. Mais puisque vous préférez déraisonner avec elle, je me passerai de vos avis. C'est ce que nous verrons, riposta Denis Brocard avec un accent provoquant. Là-dessus, la discussion s'échauffa et devint si orageuse qu'elle se termina par la brouille complète de M. Brocard et de son beau-neveu. Le docteur sortit en jurant qu'il ne remettrait plus les pieds chez le receveur, et celui-ci répliqua en défendant Marianne de voir désormais son grand-oncle. Dans le courant de l'hiver, un second prétendant se présenta et ne fut pas mieux accueilli. Cette fois, l'irritation du receveur atteignit au paroxysme. Mais il était d'un tempérament à colère blanche et froide. Il enferma son ressentiment au-dedans de lui, comme il aurait emprisonné une couleuvre dans une boîte, et se promit de faire désormais bonne garde autour de sa fille. Sous cette apparente horreur du mariage et sous ses refus réitérés, il flairait quelques romanesques amourettes, malicieusement encouragées par ce vieux fou de Brocard. Il tint donc autant que possible Marianne en chartre privé, épia ses démarches, entoura la maison d'une sorte de cordon sanitaire et rétablit l'institution du cabinet noir à l'usage des rares lettres que recevait la jeune fille. Pendant plusieurs semaines, rien de suspect ne lui fut révélé. Mais un matin, le facteur apporta une lettre adressée à Marianne et timbrée de Clamcy. Le timbre de l'enveloppe, la grosse écriture virile de la suscription, tout s'unissait pour inspirer de graves soupçons au méticuleux receveur. Sans vergogne, il rompit le cachet et constata avec une amère satisfaction que son flair inquisiteur ne l'avait pas trompé. La lettre était de Jean de Santenoge. Le don Juan de Virloux informait sa chère fée Marianne que la chance commençait à lui sourire. Grâce sans doute au talisman qu'il avait emporté, ses efforts avaient déjà produit un résultat appréciable. Son protecteur et patron, étant devenu l'un des administrateurs d'une compagnie formée pour exploiter des forges en Algérie, l'avait fait agréer comme régisseur avec promesse d'une part dans les bénéfices. Il comptait s'embarquer sous peu, mais, ajouta-t-il, avant de traverser la Méditerranée, je veux que ma bonne fée et le docteur Brocard soient instruits de ma nouvelle fortune. Patience, avant un mois, je serai à la forge de Sidi Oued, et une fois là, je battrai le fer jour et nuit pour forger notre bonheur à venir à tous deux. En achevant cette lecture, M. Février fit entendre un sifflement pareil à celui d'un oiseau en colère. « Et quoi, Santenoge, un vagabond sans feu ni lieu ? Voilà le mari qu'attendait Marianne et pour lequel elle avait refusé les deux meilleures parties du canton. » À la seule idée d'avoir un pareil gendre, le receveur éprouvait des nausées aussi amères que s'il eût avalé toute l'encre de son écritoire. S'il ne se fût retenu, il serait allé mettre cette impertinente missive sous le nez de sa fille et faire honte à Marianne de sa conduite. Mais M. Février était un de ces bipèdes à sang-froid qui réfléchissent prudemment avant d'agir. Après avoir longuement médité devant ses tisons, sur les effets et les causes, il jugea que le plus sûr moyen de prévenir l'effet était de supprimer la cause. Il empoigna ses pincettes, déposa silencieusement la lettre de Santenoge au milieu du brasier, la regarda flamber, noircir et s'envoler avec la fumée, puis il retourna tranquillement à ses registres. Un mois après, une seconde lettre datée de Sidi Oued eut le même sort, et il en fut ainsi de toutes les épîtres expédiées d'Algérie à l'adresse de Marianne. Le docteur Brocard ne comprenait plus rien au silence singulier de son protégé. Il commençait à craindre que là-bas le don Juan de Santenoge ne fût retombé dans son vieux péché d'habitude. Lorsqu'il voyait sa petite nièce à la dérobée, il lui jetait de longs regards compatissants. Mais il n'osait pas trop l'encourager dans cette attente qui commençait à lui paraître chimérique. Le docteur courait alors sur ses 73 ans, et à la suite de ses dernières querelles avec M. Février, sa santé semblait être devenue moins solide. Ses jambes lui refusaient le service. Par deux fois déjà, il avait eu de ces brusques congestions que les médecins, dans leur langue familière, désignent sous le nom singulièrement expressif d'avertissement. Denis Broca ne s'abusait pas sur sa situation, mais par un reste de coquetterie, il ne voulait pas qu'on eût l'air de la connaître, et il avait défendu à Angélique de parler à qui que ce fût de ces menaçantes syncopes. Les choses en étaient là. 8 mois s'étaient déjà passés depuis le départ de Sainte-Nauge et le printemps avait recommencé à fleurir les cerisiers de l'abbatiale. Quand au soir de mai, tandis qu'Angélique préparait le souper, le facteur apporta à M. Brocard une lettre qui le fit tressaillir sur son fauteuil. Après l'avoir lu et relu, il se mit à chantonner le plus guilleret de ses refrains et déposa précieusement la réjouissante épître dans l'un des tiroirs de son secrétaire. Puis le souper étant servi, il commanda à sa gouvernante d'aller chercher dans la cave une bouteille de vieux Bourgogne. Il soupa gaiement et copieusement, plaisanta de nouveau Angélique au sujet de ses amoureux imaginaires. Même en dépit des remontrances de sa servante, il but coup sur coup 2 verres de Corton, emportant toutes sortes de santé mystérieuses, et vers 9 heures, comme de coutume, il procéda lentement à son petit coucher. Il pouvait être 4 heures du matin quand Angélique fut brusquement réveillée par un coup de sonnette parti de la chambre du docteur. Elle accourut et trouva son maître à demi paralysé déjà et se débattant contre les atteintes d'une nouvelle congestion. « Seigneur Jésus !» s'écria la gouvernante en se penchant au chevet du lit. « Qu'avez-vous, monsieur Brocard ?»« J'ai, » bégaya le docteur, « j'ai une mauvaise pierre dans mon sac. Et cette fois, c'est bien fini. »« Non, monsieur, » reprit la vieille fille, les larmes aux yeux. « Non, je vais quérir le jeune médecin du Chanois. » Il vous saignera et vous vous trouverez mieux. Inutile, Angélique. Je vais mourir, je le sens bien. Tu diras, Marianne, que... Les paroles ne venaient plus, et les yeux injectés du docteur se tournaient vers le secrétaire dont le cylindre rebondi sortait de l'ombre du mur aux premières lueurs de l'aube. Puis sa tête retomba lourdement sur l'oreiller. Angélique était restée agenouillée près du lit, essayant de réchauffer les mains glacées de son maître dans les siennes. Au bout de quelques minutes, le docteur revint à lui et soupira douloureusement. « C'est la fin. Je vais faire le grand voyage. »« Monsieur Brocard, » murmura doucement la gouvernante, « ma fille, ne voulez-vous pas essayer de dire une petite prière avant que... » Les sanglots coupèrent la parole à la triste Angélique. Un sourire courut faiblement sur les grosses lèvres du docteur. Il regarda avec un nouveau soupir le buste de son maître Diderot, dont les blanches lignes se découpaient sur la boiserie plus sombre. « Rien que 2 ou 3 grains de chapelet, » continua la servante en tirant de la poche de sa jupe un long rosaire. « Cela vous fera grand bien, monsieur. Et à moi aussi. Vrai ?» balbutia Denis Brocard. « Cela te ferait plaisir ?»« C'est que je ne sais pas de prière. Je dirai le Notre Père, monsieur Brocard, et vous le répéterez après moi, en pensée. « Allons, dit Honorimus. » « Je peux bien faire cela pour toi. Tu n'as déjà pas eu tant de plaisir au monde, ma pauvre fille. » Elle lui passa le chapelet au doigt et récita tout haut le Notre Père en s'interrompant de temps en temps pour laisser passer un sanglot. Quand ce fut fini, « Amen !» soupira Denis Brocard. « Maintenant, va vite chercher Marianne. Je puis me passer de toi pendant 1/4 d'heure. » Angélique courut de toute la vitesse de ses jambes chez M. Février, où elle réveilla Marianne, puis, au presbytère, car la dévote fille voulait que le curé fît une dernière tentative près de M. Brocard. Quand elle revint avec le prêtre, Marianne était déjà dans la cour de l'abbatiale, et ils pénétrèrent ensemble dans la chambre à coucher, où le docteur, le chapelet entortillé dans ses doigts rigides, gisait immobile, le nez pincé et les yeux fixes. Le curé s'approcha du lit, examina M. Brocard, et se retournant vers les 2 femmes, « On m'a appelé trop tard, » murmura-t-il. « Il est mort. » Un double sanglot retentit dans la chambre et Angélique se prosterna au chevet de son maître, sa grosse figure bouleversée touchant presque la tête pâle et froide du docteur. « Oh mon Dieu !» s'écria la pauvre fille en joignant les mains. « Oh ma bonne Vierge ! Vous savez que le cher homme n'avait pas plus de méchanceté qu'un enfant. Et vous savez comme je vous ai offert mes peines à son intention, comme je vous ai prié pour lui depuis 20 ans. Oh mon Dieu, ma bonne Vierge ! Vous pouvez ce que vous voulez. » Et ce n'est pas une grosse affaire que de sauver une âme. Faites cela pour votre servante, pardonnez-lui et emmenez-le dans votre saint paradis. »